L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. Vous aimeriez observer l'éclipse partielle de soleil ce vendredi 20 mars, mais vous n'avez pas pu vous procurer les lunettes spéciales en Millar. Ah, qu'à cela ne tienne. Il existe une autre méthode, très simple, qui vous permettra de voir en toute sécurité ce croissant de soleil et d'en faire profiter tout un groupe en même temps. Il vous suffira juste d'un peu de travail manuel pour fabriquer un sténopé maison. Le gros intérêt d'un sténopé est qu'il permet une observation par projection et qu'il ne fait intervenir aucun système optique de focalisation, donc sans risque pour les yeux. Le concept de sténopé repose sur la projection de l'image du soleil par un petit trou, ce qui est le principe même de la chambre noire. Il existe par ailleurs différentes façons de construire un sténopé pour l'observation du soleil. Alors tout d'abord le sténopé à tube. Alors vous aurez besoin d'un tube de carton, d'une feuille de carton rigide, d'une feuille de papier translucide, de type papier calque hein, par exemple, d'une épingle et d'un rouleau de ruban adhésif. Fermez la première extrémité de votre tube avec la feuille de carton rigide en la scotchant. Aucune lumière ne doit pouvoir rentrer dans le tube par cette ouverture, hein, pour le moment. À l'autre extrémité du tube, faites de même, mais avec le papier translucide. C'est par ce côté que vous pourrez voir le croissant solaire, mais pas en regardant directement avec l'œil dans le tube, non. Simplement en regardant la surface du papier calque, en restant un peu sur le côté. Mais pas si vite, hein, il nous faut encore faire quelque chose. Alors, percez la feuille cartonnée qui ferme la première extrémité du tube à l'aide de votre épingle, de manière à faire un petit trou circulaire au centre du tube. Ce petit trou doit faire environ 1 mm de diamètre seulement au maximum. Hein. Plus votre tube a une petite longueur et plus le trou à percer doit être petit. Allez, voilà, votre sténopé à tube est prêt à être utilisé. Le plus dur reste à faire puisque maintenant il va falloir orienter votre tube dans la direction du soleil. L'idéal étant de pouvoir le fixer par exemple à l'aide de sangles élastiques sur un poteau, puis de le positionner en altitude et en azimut jusqu'à ce qu'apparaisse le disque solaire sur la surface du papier calque. Une fois que vous l'avez, si l'éclipse n'a pas encore commencé, vous devrez bouger légèrement le tube pour suivre la course du soleil durant les 2 heures et quelques du phénomène. Alors l'autre solution est un sténopé à miroir. Alors le sténopé à miroir, c'est encore plus simple à fabriquer que le sténopé à tube. Vous avez besoin d'un miroir bien plan, de faible dimension et évidemment bien réfléchissant. Également d'une feuille de carton rigide, de la même épingle, du même ruban adhésif et également d'un mur de couleur unie, hein, si possible, bien orienté par rapport à la position du soleil au moment de l'éclipse, c'est-à-dire ici vers le sud-est. À peu près dans la même direction que celle du soleil, en fait. Et ce mur doit être situé à plusieurs mètres, mais évidemment, il doit être moins haut que le soleil, hein, évidemment. Alors, de la même façon que précédemment, on perce un petit trou de 1 à 2 mm de diamètre dans la feuille de carton opaque, puis on va coller cette feuille de carton sur la surface du miroir. Le carton opaque doit recouvrir entièrement le miroir. Et c'est tout. Vous avez donc dans les mains, en quelque sorte, un minuscule miroir de 1 mm, et vous devez maintenant orienter ce miroir de manière à projeter l'image réfléchie du soleil sur le mur. Repérer où se trouve l'image réfléchie du disque solaire peut être assez difficile, et pour vous aider, en fait, il faudrait plutôt faire la manip avant de placer le carton sur la surface du miroir, pour voir où se trouve l'image du miroir pour une position donnée. Et vous verrez dans ce cas non pas le disque solaire, mais un rectangle, si votre miroir est rectangle. ne pas tenir le miroir à la main, mais plutôt le positionner au sol avec un bon angle et la bonne orientation, de manière à obtenir une image fixe qui ne tremble pas. C'est mieux. Enfin, la troisième variante de sténopée est ce qu'on peut appeler un sténopée à plaque. C'est la version la plus simpliste, mais qui peut aussi marcher. Elle se rapproche du sténopée à tube. Le principe est toujours le même, on perce un petit trou dans une plaque de carton, fine, mais rigide, à l'aide d'une épingle, puis on projette l'image du soleil qui passe par ce trou. Cette fois-ci, non pas sur une feuille calque translucide, mais sur un écran blanc de préférence. Et cet écran peut être constitué simplement d'une feuille, une ou plusieurs feuilles de papier, et la plaque percée doit avoir une surface assez grande de manière à produire une ombre la plus grande possible au niveau de l'écran blanc, qui peut être simplement posé sur le sol, mais évidemment préférentiellement orienté perpendiculairement à la direction du soleil. Voilà, j'ai fait des petits schémas pour vous aider à visualiser les trois types de sténopées qu'il est possible de fabriquer très facilement et qui permettent de faire des projections de l'image du soleil sans avoir besoin aucunement de lunettes spécifiques. Donc vous les retrouverez dans le milieu de ce poste. Voilà, à vous de jouer maintenant et à vous d'observer le soleil se faire grignoter par la lune. En espérant que les nuages ne viennent pas nous embêter. Allez, à bientôt sur Ça se passe là-haut. Bon ciel